De la Bébélière à Mère Agnès de Jésus et Thérèse, 12 novembre 1895. Ce 12, mardi, l'abbé Maurice Barthélemy Bélière, Langrune, vient saluer sa mère du Carmel et sa sœur Thérèse de Jésus, sic, avant d'entrer à la caserne, à Caen, aujourd'hui à 2 h. Il recommande les séminaristes soldats et leurs familles désolées. Toujours union de prière et de grâce dans les cœurs divins, que nous fassions du bien, et que le règne de Dieu arrive. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisieux.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.